cuore di manzanilla. Gire chez mon ami de la spazia. Oui, mais tout selon celui, et les vrais plaisirs sont à deux. Donc, pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Mon amour, il est odieux. Je l'ai mis à la portière, mon pauvre cœur inconsolable, mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine qui veut m'aimer. Je l'aimerai. Qui veut mon âme l'attend prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre car avec mon nouvel amant. Près de la main de ce bébé, j'ai mon ami. Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser. Nous danserons, tu me promets, c'est le Dieu, Carmen.